Emma Orzy. Le manteau en cuir irlandais. Chapitre 1. Tout a commencé par le meurtre de M. Andrew Carthwaite à Palerme. Il avait été retrouvé mort dans le jardin de sa villa, juste à l'extérieur de la ville, un stiletto entre les omoplates et un morceau de tweed irlandais rugueux, manifestement arraché au manteau de son agresseur, serré dans sa main. Tout ce qu'on savait de M. Carthwaite, ici, c'est qu'il était originaire du Yorkshire et propriétaire de quelques marbreries en Sicile, qu'il employait beaucoup de main-d'œuvre et que, contrairement à la plupart des patrons là-bas, il avait une parfaite horreur des nombreuses sociétés secrètes et des cercles socialistes qui abondent dans cette partie du monde. Il ne voulait pas devenir l'esclave de la tyrannie croissante de la mafia et de ses associations apparentées, et c'est pourquoi il s'était fixé comme règle absolue qu'aucun de ses ouvriers, du plus grand au plus petit, ne devait appartenir à une société, à un club ou à un syndicat de quelque nature que ce soit. On a d'abord pensé que le vol était le seul objet du crime, car la montre en or de M. Carthwaite, marquée de ses initiales AC, et sa chaîne avaient disparu, mais la police sicilienne avait rapidement été amenée à penser qu'il s'agissait simplement d'une fausse piste et que la rancune et la vengeance personnelle étaient à l'origine de ce crime ignoble. Un indice, rappelons-le, était resté en possession des autorités. Il s'agit du morceau de tweed irlandais trouvé dans la main de l'homme assassiné. Dans les 24 heures qui suivirent, une douzaine de témoins furent prêts à jurer que ce fragment d'étoffe faisait partie d'un manteau que portait habituellement le surveillant anglais de M. Carthwaite, M. Cecil Thatcherwork. Il semble que ce jeune homme ait récemment adhéré, au mépris des règles rigides prescrites par son employeur, à une société locale, mi-sociale, mi-religieuse, qui tombait sous le coup des préjugés du vieil homme. Apparemment, il y avait eu plusieurs querelles amères entre M. Carthwaite et le jeune Thatcherworth, et les domestiques du premier avaient été témoins dans sa villa de la plus virulente d'entre elles. Et bien que ces personnes n'aient pas compris les mots qui avaient été prononcés entre les deux Anglais, il était assez clair qu'ils équivalaient à un ultimatum d'un côté et à une provocation de l'autre. Le renvoi du surveillant suivit immédiatement et, le soir même, M. Carthwaite fut retrouvé assassiné dans son jardin. Il faut dire que, selon les préceptes anglais, l'enquête préliminaire sur ce crime mystérieux avait été menée à la hâte, d'une manière que l'on pourrait juger à charge contre l'accusé. Dès le début, il semble que la police sicilienne ait délibérément décidé que Thatcherworth était coupable. Par exemple, bien que tant de gens aient été prêts à jurer que le jeune surveillant anglais avait souvent porté un manteau dont le morceau trouvé dans la main de l'homme assassiné était sans aucun doute un fragment déchiré, le manteau lui-même n'a pas été trouvé parmi ses effets, pas plus que la montre et la chaîne de son défunt maître. Néanmoins, le jeune homme avait été arrêté quelques heures après le meurtre et, après les formalités de l'instruction préliminaire, il avait été dûment incarcéré pour être jugé sur le chef d'accusation de meurtre. C'est à peu près à cette époque que j'ai rompu mes liens officiels avec le Yard. Lady Molly m'employait désormais comme secrétaire privée et je travaillais avec elle, un jour, dans le bureau de notre petit appartement douillet de Maida Vale, lorsque notre servante est entrée avec une carte et une lettre sur un plateau. Lady Molly a jeté un coup d'œil à la carte, puis me l'a tendue. Elle portait le nom de M. Jeremiah Thatcherworth. La lettre provenait du chef. « Il ne dit pas grand-chose, » commenta-t-elle en jetant un coup d'œil rapide à son contenu. Le chef dit seulement « Voici le père de l'homme qui est accusé du meurtre de Palerme. Il est aussi obstiné qu'une mule, mais vous avez ma permission de faire ce qu'il veut. » « Émilie, faites entrer ce monsieur, » ajouta-t-elle. L'instant d'après, un homme de petite taille et de forte corpulence entra dans notre petit bureau. Il avait des cheveux blonds vénitiens et des taches de rousseur. Son visage carré arborait une ferme détermination et sa mâchoire large et un peu lourde démontrait son obstination. Répondant à l'invitation de Lady Molly, il s'assit et commença avec une brusquerie extraordinaire. « Je suppose que vous savez de quoi je viens vous parler, mademoiselle, suggéra-t-il. « Eh bien, répondit-elle en lui montrant sa propre carte, je me doute. « Mon fils, mademoiselle, je veux dire madame, dit-il d'une voix rauque, il est innocent, je le jure sur ma vie. » Il se ressaisit, visiblement honteux de cet emportement, puis reprit plus calmement. « Bien sûr, il y a l'affaire du manteau, et ce manteau appartenait à mon fils, mais... »« Eh bien, oui, » demanda Lady Molly, car il s'était de nouveau arrêté, comme s'il attendait d'être encouragé dans son récit. « Et ce manteau ?»« On l'a trouvé à Londres, mademoiselle, » répondit-il tranquillement. Les brutes diaboliques qui ont commis le crime ont imaginé ce moyen monstrueux de détourner l'attention en s'emparant du manteau de mon fils et en le faisant porter par le véritable assassin au cas où on l'apercevrait dans l'obscurité. Il y eut un moment de silence dans le petit bureau. J'étais stupéfaite, horrifiée par la suggestion de ce rude paysan du Nord, de ce père si durement éprouvé qui parlait avec une curieuse intensité de langage et de sentiment. Lady Molly fut la première à rompre le silence solennel. « Qu'est-ce qui vous fait penser, Monsieur Sutherworth, que l'assassinat de Monsieur Cartwright est l'œuvre d'une bande de meurtriers ?»« Je connais la Sicile, » répondit-il simplement. « La mère de mon fils était originaire de Messine. L'endroit est truffé de sociétés secrètes, de clubs meurtriers et anarchiques. » Des organisations contre lesquelles M. Catherwaite a mené une guerre mortelle. C'est l'une d'entre elles, la mafia probablement, qui a décrété que M. Cartwright devait être éliminé. Il ne pouvait pas laisser en vie un ennemi aussi puissant et aussi coriace. « Vous avez peut-être raison, M. Shuttleworth, mais dites-moi plus sur le manteau. Eh bien, ce sera une preuve accablante contre les bandits de toute façon. » « Je suis à la veille d'un second mariage, mademoiselle, » poursuivit l'homme, semblant changer de sujet. « La dame est veuve. Elle se nomme Madame Tatworth, mais son père était un Italien nommé Baldeni, un parent de ma première femme, et c'est ainsi que j'ai fait sa connaissance et celle de sa fille. Vous connaissez les Orlène, n'est-ce pas? Ce pourrait être en Italie, car l'italien est la seule langue que l'on entend parler là-bas. » Baldeni possédait une maison dans Bread Street, Leather Lane, et il louait des logements à ses compatriotes, une activité que ma future femme exerce toujours. Il y a environ une semaine, deux hommes se sont présentés à la maison, père et fils, disait-il, qui voulaient une chambre bon marché. Ils prendraient tout leur repas, y compris le petit déjeuner, à l'extérieur, et seraient d'ailleurs dehors pendant la plus grande partie de la journée. Il semble qu'ils aient souvent logé chez Baldeni auparavant, le vieux dépravé faisait sans doute partie de leur bande, et lorsqu'ils ont compris que Madame Tadworth était la fille de leur ancienne amie, ils ont été tout à fait satisfaits. Ils ont donné comme nom Piatti et ont dit à Madame Tadworth qu'ils venaient de Turin. Mais il se trouve que je les ai entendus parler dans l'escalier et j'ai su qu'ils étaient siciliens tous les deux. Vous vous doutez bien qu'en ce moment, tout ce qui vient de Sicile est d'une importance vitale pour moi et, d'une manière ou d'une autre, j'ai soupçonné ces deux hommes dès le début. Madame Tadworth est tout à fait d'accord avec moi pour remuer ciel et terre afin de prouver l'innocence de mon garçon. Elle surveillait ces gens pour moi comme un chat surveillerait une souris. L'homme le plus âgé déclara beaucoup aimer le jardinage et obtint bientôt la permission de Madame Tadworth de s'occuper de la petite bande de terre stérile à l'arrière de la maison. C'est ce qu'elle m'a raconté hier soir alors que nous dînions ensemble dans son petit salon. En entendant cette histoire, j'ai eu comme une inspiration. Les Piatti y étaient sortis ensemble, comme d'habitude, pour leur repas du soir. J'ai pris une bêche et je suis allé dans la bande du jardin. J'ai travaillé pendant environ une heure, Puis mon cœur a fait un grand bond dans ma poitrine, ma bêche avait rencontré une certaine résistance étrange et feutrée. L'instant d'après, j'utilisais mes mains et mes ongles et je déterrais bientôt un manteau. Le manteau, mademoiselle, continua-t-il, incapable maintenant de contrôler son excitation. Avec le bout arraché au dos et dans la poche, la montre et la chaîne appartenant à l'homme assassiné, car elle porte les initiales AC. Les brutes diaboliques. Je le savais, je le savais. Et maintenant, je peux prouver l'innocence de mon garçon. » Il y eut à nouveau une pause. J'étais trop absorbé par le récit palpitant pour essayer de souffler un mot, et je savais que Lady Molly attendait placidement que l'homme se soit quelque peu remis de son accès de véhémence. « Bien sûr, vous pouvez maintenant prouver l'innocence de votre fils, » dit-elle avec un sourire d'encouragement. « Mais qu'avez-vous fait du manteau ?»« Je l'ai laissé enterrer là où je l'ai trouvé, » répondit-il plus calmement. « Ils ne doivent pas se douter que je suis sur leur piste. » Elle hocha la tête en signe d'approbation. « Mon chef, sans aucun doute, vous a conseillé de confier toute l'affaire à la police anglaise. Notre personnel de Scotland Yard communiquera alors immédiatement avec les autorités siciliennes et, pendant ce temps, nous pourrons garder les deux hommes de Leather Lane sous surveillance. » « Oui, il m'a expliqué tout cela, » dit M. Shuttleworth calmement. « Alors ?» Et je lui ai dit que sa communication avec les autorités policières siciliennes aurait pour conséquence que le procès de mon garçon serait sommairement conclu, qu'il serait envoyé à la potence, tandis que toutes les preuves de son innocence seraient détruites, ou en tout cas mises de côté, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. « Vous êtes fou, M. Shuttleworth !» s'écria-t-elle. « Peut-être bien, » répondit-il calmement. « Voyez-vous, vous ne connaissez pas la Sicile, et moi, si. Vous ne connaissez pas ces nombreux clubs et bandes d'assassins, à côté desquels les soi-disant nihilistes russes sont de simples enfants de cœur. La mafia, qui est la mère de toutes ces organisations meurtrières, a des membres et des agents dans chaque ville, village et hameau d'Italie, dans chaque bureau de poste et dans chaque caserne, dans chaque métier et profession, du plus élevé au plus bas de l'échelle. La police sicilienne en est infestée, de même que les douanes italiennes. Je ne ferai confiance ni à l'une ni à l'autre pour ce qui est de la vie de mon fils, et plus encore pour moi. Mais la police supprimerait les preuves liées à celles que je détiens. À la frontière, le manteau, la montre et la chaîne disparaîtraient. J'en suis aussi convaincu que je suis un homme vivant. » Lady Molly ne fit aucun commentaire. Elle médita. Personne ne pouvait nier qu'il y avait du vrai dans ce que disait l'homme. Les quelques indices que nous avions glanés ici sur les enquêtes précipitées, l'inculpation sommaire de l'accusé, le rejet hâtif de toutes les preuves en sa faveur, prouvait en tout cas que l'inquiétude du père était bien fondée. « Mais qu'avez-vous l'intention de faire ?» dit Lady Molly au bout d'un moment. « Voulez-vous apporter vous-même les preuves à l'avocat de votre fils ? C'est cela ?»« Non, cela ne servirait à rien, » répondit-il simplement. « Je suis connu en Sicile. Je serai surveillé, probablement assassiné aussi, et ma mort ne profiterait pas à mon fils. » « Et alors ?» L'oncle de mon fils est chef de la police à Cividale, à la frontière austro-italienne. Je sais que je peux compter sur son dévouement. Madame Tadworth, dont l'intérêt pour mon fils est presque égal au mien et dont les liens avec moi ne peuvent être connus là-bas, lui apportera les preuves de l'innocence de mon fils. Il saura ce qu'il faut faire et comment atteindre l'avocat de mon fils en toute sécurité, ce que personne d'autre ne pourrait garantir. « Eh bien, » dit Lady Molly, « cela étant, que voulez-vous que nous fassions dans cette affaire ?»« J'ai besoin de l'aide d'une dame, mademoiselle, » répondit-il, « quelqu'un qui soit capable, volontaire, fort et, si possible, enthousiaste, d'accompagner Madame Tadworth, peut-être en qualité de femme de chambre, afin d'éviter les regards soupçonneux habituels jetés sur une dame voyageant seule. » La question des langues étrangères se pose également. Le monsieur que j'ai vu à Scotland Yard m'a dit que, si vous vouliez partir, il vous donnerait un congé de 15 jours. « Oui, j'irai, » répondit simplement Lady Molly. Chapitre 2. Nous sommes restés longtemps dans le bureau, M. Shuttleworth, Lady Molly et moi-même, à discuter des plans de ce voyage passionnant. Car moi aussi, comme vous le verrez, j'étais destiné à jouer mon petit rôle dans ce drame dont le dénouement était la vie ou la mort d'un homme innocent. Je ne pense pas devoir vous ennuyer avec un compte rendu de notre discussion. Tout ce qui vous intéressera, je pense, c'est le plan de campagne que nous avons finalement élaboré. Il ne faisait aucun doute que M. Shuttleworth avait réussi jusqu'à présent à ne pas éveiller les soupçons des Piatti. Par conséquent, ce soir-là, lorsqu'il serait à l'abri, M. Shuttleworth déterrerait à nouveau le manteau, la montre et la chaîne, puis enterrerait un manteau de même couleur et de même texture dans le même trou. Cela pourrait peut-être servir à mettre les malfaiteurs sur leur garde si, par hasard, l'un d'entre eux s'occupait à nouveau du jardin. Après quoi, Mme Tardworth cacherait à portée de main les preuves de l'innocence du jeune Shuttleworth et rejoindrait Lady Molly dans notre appartement de Médavelle où elle passerait la nuit avant que les deux dames ne quittent Londres pour l'étranger le lendemain matin par le train de 9 h de Charing Cross en direction de Vienne, Budapest et enfin Cividale. Mais notre plan était encore plus étoffé que cela, et c'est là que j'ai joué mon petit rôle, dont je vous parlerai plus loin. Le soir même, à 9 h 30, Mme Tadworth arriva à l'appartement avec le manteau, la montre et la chaîne, qui devaient être remises au colonel Grassi, le chef de la police de Chidivale. J'ai bien regardé la dame, vous pouvez en être sûr. Elle avait un joli petit visage, et elle ne devait pas avoir plus de 27 ou 28 ans, mais, à mes yeux, l'apparence et les manières de la femme suggéraient une faiblesse de caractère plutôt que le dévouement sur lequel le pauvre monsieur Shuttleworth s'appuyait si implicitement. Je suppose que c'est pour cette raison que je me suis sentie inexplicablement abattue et anxieuse lorsque j'ai fait mes adieux à ma chère Lady, un sentiment qu'elle ne partageait manifestement pas. Je commençais alors à jouer le rôle qui m'avait été assigné. Je m'habillais avec les vêtements de Mme Tadworth, nous étions à peu près de la même taille, et après avoir mis son chapeau et son voile bien ajustés, je partis pour Leather Lane. Je devais me faire passer pour Mme Tadworth dans sa propre maison aussi longtemps que je pourrais faire durer la supercherie. Comme vous l'avez sans doute deviné, cette dame n'était pas dans une situation aisée et la maison située dans une petite rue secondaire de Leather Lane n'était pas dotée d'une équipe de domestiques. En fait, Mme Tadworth s'occupait elle-même de toutes les tâches ménagères avec l'aide d'une femme de ménage qui venait quelques heures le matin. Cette femme de ménage avait, conformément au plan de Lady Molly, reçu une semaine de salaire en guise de préavis. Le jour suivant, je serais supposé, en tant que Mme Tadworth, être confinée dans ma chambre à cause d'un rhume, et Emily, notre petite bonne, une fille brillante, qui se mettait en quatre pour Lady Molly ou pour moi, figurerait la nouvelle femme de ménage. Dès qu'il se produirait un événement susceptible d'éveiller mes soupçons quant à la découverte de notre secret, je devais télégraphier à Lady Molly aux différents points qu'elle m'indiquerait. Ainsi pourvu d'un rôle important et complet, je m'installai dûment à Bread Street, Leather Lane. Emily, à qui l'on avait raconté juste assez de l'histoire et rien de plus pour qu'elle soit impatiente, excitée et satisfaite, entra dans son rôle avec autant d'ardeur que je l'avais fait moi-même. Cette première nuit fut sans histoire. Les Piatti rentrèrent à la maison un peu après 11 h et montèrent directement dans leur chambre. Emily, qui ressemblait le plus possible à une femme de ménage débraillée, était dans le hall le lendemain matin lorsque les deux hommes partirent pour le petit déjeuner. Elle m'a raconté par la suite que le plus jeune l'avait regardé très attentivement et lui avait demandé pourquoi l'autre servante était partie. Émilie répondit avec l'imprécision qui s'imposait, après quoi les Siciliens ne dirent plus rien et sortirent ensemble. Ce fut une journée longue et fatigante que je passai, enfermée dans le petit salon étouffant, observant sans cesse le petit coin de terre à l'arrière, dévorée par l'anxiété, suivant dans mon esprit les voyageurs dans leur périple à travers l'Europe. Vers midi, l'un des piates y rentra à la maison et se promena dans le jardin. De toute évidence, le changement de domestique avait éveillé ses soupçons, car je le voyais tâter la terre avec sa bêche et lever les yeux de temps en temps vers la fenêtre du salon, où je m'arrangeais pour lui montrer la forme d'une pseudo-madame Tatworth qui se déplaçait dans la pièce. Monsieur Chasseleworth et moi étions en train de dîner dans ce même petit salon vers 9 heures lors de cette soirée mémorable quand nous entendîmes soudain la porte d'entrée s'ouvrir à l'aide d'une clé puis se refermer très prudemment. L'un des deux hommes était rentré à une heure tout à fait inhabituelle par rapport à leurs habitudes par ailleurs très régulières. La façon dont la porte avait été ouverte et refermée suggérait un désir de secret et de silence. Instinctivement, j'éteignis le gaz dans le salon et, d'un geste rapide, j'indiquai la pièce de devant dont la porte était ouverte et je chuchotai précipitamment à M. Shuttleworth « Parlez-lui !» Heureusement, le grand objectif qu'il avait en vue avait rendu ses perceptions très vives. Il entra dans la pièce de devant, dans laquelle le gaz était heureusement allumé à ce moment-là, et, ouvrant la porte qui donnait sur le passage, il dit avec entrain « Oh, monsieur Piatti, c'est vous? Puis-je faire quelque chose pour vous ?»« Ah oui, merci !» répondit le Sicilien, dont la voix était rauque et chevrotante. « Si vous voulez bien, je me sens si mal et si bizarre ce soir. » Je crois qu'il fait très chaud. Auriez-vous l'amabilité de me rapporter un peu de... d'ammoniac? Vous appelez cela du sel volatif, je crois, chez l'apothicaire. J'irai m'allonger sur mon lit. Si vous aviez la gentillesse... Bien sûr, monsieur Piatti, dit monsieur Shuttleworth, qui avait compris ce que je voulais faire et qui s'était littéralement mis à ma disposition. J'y vais tout de suite. Il alla chercher son chapeau sur l'étagère de l'entrée, tandis que le Sicilien murmurait de profonds merci, et j'entendis alors la porte d'entrée claquer. De là où j'étais, je ne pouvais pas voir Piatti, mais je l'imaginais debout dans le passage faiblement éclairé, écoutant les pas de M. Shuttleworth qui s'éloignait. Je l'entendis bientôt se diriger vers la porte de derrière et je remarquai ensuite que quelque chose bougeait sur le petit bout de terrain qui se trouvait derrière. Il était allé chercher sa bêche. Il avait l'intention de déterrer le manteau, la montre et la chaîne qui, pour une raison ou une autre, devaient lui sembler ne plus être en sécurité dans leur cachette d'origine. La bande de meurtriers avait-elle entendu dire que l'homme qui rendait fréquemment visite à leur logeuse était le père de Cécile Shuttleworth à Palerme? À ce moment-là, je ne me suis pas arrêté pour spéculer, ni même pour planifier. J'ai couru à la cuisine, car je ne voulais plus regarder Piatti. Je savais ce qu'il faisait. Je ne voulais pas effrayer Émilie et on lui avait fait comprendre depuis le début qu'elle pouvait être amenée à quitter la maison avec moi à tout moment, à l'improviste. Elle et moi avions gardé notre petit sac à main prêt à l'emploi dans la cuisine, d'où nous pouvions atteindre les marches donnant sur la cour rapidement et facilement. Je lui fis signe que le moment était venu. Elle prit le sac et me suivit. Au moment où nous refermions le portail de la cour derrière nous, nous avons entendu la porte du jardin claquer violemment. Piatti avait pris le manteau et examinait maintenant les poches pour trouver la montre et la chaîne. Dans les 10 secondes suivantes, il allait se rendre compte que le manteau qu'il tenait n'était pas celui qu'il avait enterré dans le jardin et que les vraies preuves de sa culpabilité ou de sa complicité avaient disparu. Nous n'attendîmes pas ces 10 secondes, mais nous descendîmes Bread Street en direction de Leather Lane, où je savais que M. Shuttleworth me guetterait. « Oui, » dis-je précipitamment, en l'apercevant directement à l'angle de la rue. « Tout est prêt. Je pars pour Budapest par le Continental tôt demain matin. Je les rattraperai au Hungaria. Raccompagnez Émilie à l'appartement. » De toute évidence, il n'y avait pas de temps à perdre et avant que M. Shuttleworth ou Émilie ne puissent faire une remarque, je les avais laissés debout et j'avais rapidement mêlé mon insignifiante personnalité à celle des passants. Je me promenais tranquillement dans Leather Lane. Vous comprenez, mon visage était inconnu des Piatti. Ils n'avaient vu de moi qu'une vague silhouette derrière des vitres très sales. Je ne suis pas allé à l'appartement. Je savais que M. Shuttleworth s'occuperait d'Émilie et cette nuit-là, je dormis au Grand Hôtel à Charing Cross pour partir le lendemain matin à 9h, après avoir réservé ma place dans l'Orient Express jusqu'à Budapest. Chapitre 3. Vous connaissez sans doute le dicton « Être sage après coup, ce n'est pas grand merveille ». Bien sûr, lorsque j'ai vu le vieux Piatti debout dans le hall de l'hôtel Hungaria à Budapest, j'ai réalisé que j'avais été suivi depuis le moment où Émilie et moi nous étions enfuis de la maison de Bread Street. Le fils m'avait manifestement gardé à l'œil pendant que j'étais encore à Londres et le père avait traversé l'Europe sans que je m'en aperçoive, dans le même train que moi, m'avait vu entrer dans le fiacre à Budapest et m'avait entendu dire à l'élégant cocher de se rendre à l'Hungaria. Je m'empressai de prendre ma chambre, puis je demandai si Madame Carré, de Londres, était encore à l'hôtel avec sa femme de chambre, car c'était le nom sous lequel Madame Tadworth avait voyagé. On me répondit par l'affirmative. Madame Carré soupait alors dans la salle à manger, d'où les mélodies hongroises jouées par l'inimitable orchestre de Berkes semblaient se moquer de mon inquiétude. La femme de chambre de Madame Carré, me dit-on, prenait son repas dans la chambre de l'administrateur. J'essayais de poursuivre mes investigations aussi discrètement que possible, mais les yeux et le sourire sarcastique de Piatti semblaient me suivre partout, tandis qu'il s'affairait calmement à réserver sa chambre et à s'occuper de ses bagages. Presque tous les responsables de l'Hungaria parlent anglais et je n'eus aucune difficulté à trouver mon chemin jusqu'à la chambre de l'administrateur. À mon grand regret, Lady Molly n'y était pas. Quelqu'un me dit que la camériste de Madame Carré était sans doute retournée dans la chambre de sa maîtresse. Le numéro 118, au premier étage, m'avait-on déjà précisé. Quelques instants précieux furent ainsi perdus, tandis que je courais vers le hall. Vous connaissez les longs couloirs de l'Hungaria qui semblent interminables. Heureusement, dans l'un d'eux, j'aperçus Milady qui s'avançait vers moi. À sa vue, toutes mes angoisses semblaient tomber comme un manteau dont on se débarrasse. Elle avait l'air tout à fait sereine et placide, mais avec sa perspicacité usuelle, elle devina tout de suite ce qui m'avait amené à Budapest. « Ils ont découvert le manteau, » dit-elle en m'entraînant rapidement dans l'un des petits corridors, qui, heureusement, était sombre et désert, et, bien sûr, il vous a suivi. » Je fis un signe de tête affirmatif. « Cette Madame Tadworth est une petite idiote insipide et faible, » dit-elle avec une véhémence rageuse. « Nous devrions être à Cividel à l'heure qu'il est, et elle s'est déclarée trop malade et trop fatiguée pour continuer le voyage. Comment ce pauvre Shuttleworth a-t-il pu être aveugle au point de lui faire confiance ?»« Mais allez, » ajouta-t-elle plus calmement, « descends tout de suite dans le hall. » « Surveille cette idiote de femme de toutes tes forces. Elle est terrifiée par les Siciliens et je crois fermement que Piatti peut la forcer à lui livrer les preuves du crime. »« Où sont-elles, les preuves ? » demandai-je anxieusement. « Enfermée dans sa malle, elle ne veut pas me les confier. Petite idiote obstinée !» Je n'avais jamais vu Milady aussi en colère. Cependant, elle ne dit rien de plus à ce moment-là et je pris congé d'elle pour retourner vers le hall. Un coup d'œil dans la pièce brillamment éclairée m'assura que ni Piatti ni Madame Tadworth ne s'y trouvaient. Je ne saurais vous dire ce qui remplit soudainement mon cœur d'inquiétude. Je montai en courant au premier étage et atteignis la chambre numéro 118. La porte extérieure était ouverte et, sans hésiter un instant, j'appliquai mon œil au trou de la serrure de la porte intérieure. La pièce était brillamment éclairée et, exactement en face, mais me tournant le dos, se tenait Piatti, tandis qu'à côté de lui, accroupi sur un tabouret bas, se trouvait Madame Tadworth. Une malle était ouverte près de sa main et elle était manifestement occupée à en retourner le contenu. Mon cœur s'arrêta brutalement. Allais-je assister, impuissante, à l'un des actes les plus hideux de lâche trahison qu'il soit possible de concevoir? Quelque chose, cependant, dut à ce moment-là attirer l'attention de Piatti, car il se retourna brusquement et se dirigea à grands pas vers la porte. Inutile de dire que j'ai battu en retraite précipitamment. Ma seule idée était bien sûr de retrouver Lady Molly et de lui raconter ce que j'avais vu. Malheureusement, le Hungaria est un véritable labyrinthe de couloirs, d'escaliers et de passages, et je ne connaissais pas le numéro de sa chambre. Au début, je ne souhaitais pas attirer davantage l'attention en posant à nouveau des questions sur la bonne de Madame Carré au bureau, et ma stupide ignorance des langues étrangères m'empêchait de m'adresser aux femmes de ménage. J'avais monté et descendu l'escalier une demi-douzaine de fois, fatiguée, malheureuse et anxieuse, quand, enfin, au loin, j'aperçus la silhouette gracieuse de Milady. Je courus vers elle avec empressement et je fus promptement réprimandée pour mon agitation imprudente. « Madame Tadworth est véritablement effrayée !» ajouta Lady Molly en réponse à mon regard terrifié. Mais jusqu'à présent, elle a réussi à tromper Piatti en ouvrant ma malle devant lui au lieu de la sienne et en lui disant que les épreuves n'étaient pas sous sa garde. Mais elle est trop stupide pour continuer cette tromperie et, bien sûr, il ne se laissera pas décourager une seconde fois. Nous devons partir pour Cividale dès que possible. Malheureusement, le premier train n'est pas avant 9h15 demain matin. Le danger pour le malheureux jeune homme de Palerme, provoqué par la lâche idiotie de cette femme et la confiance mal avisée du père, est déjà inestimable. Il était bien sûr inutile que j'exprime maintenant des craintes pour la sécurité de Milady. J'étouffais mon inquiétude du mieux que je pus, et, pleine de pressentiments funestes, je lui souhaitais une bonne nuit. Inutile de dire que je ne dormis guère et que, le lendemain matin, à 8h, j'étais habillée et sortie de ma chambre. Le premier coup d'œil dans le couloir où donnait le numéro 118 confirma immédiatement mes pires craintes. Une agitation inhabituelle y régnait à cette heure matinale. Des responsables allaient et venaient, des femmes de chambre se tenaient debout en bavardant et, l'instant d'après, à ma grande horreur, je vis deux gendarmes avec un officier, escortés par le directeur de l'hôtel jusqu'aux chambres occupées par Madame Tadworth et Lady Molly. Oh, comme je maudissais alors notre ignorance britannique des langues étrangères! Les fonctionnaires étaient trop occupés pour se soucier de moi, et les femmes de chambre ne connaissaient que la partie de la langue anglaise qui fait référence au bain et à l'eau chaude. Enfin, à mon grand soulagement, je découvris un portier de bonne volonté, prêt à me renseigner dans ma langue sur les événements qui avaient troublé la sereine quiétude de l'hôtel Hungaria. Grand Dieu, je n'oublierai jamais ce que j'ai enduré lorsque j'ai compris tout le sens de ce qu'il me dit avec un sourire placide, dans un haussement d'épaule. « L'affaire est des plus mystérieuses, expliqua-t-il. Ce n'est pas un vol. Oh non, non, car c'est Madame Carré qui est partie, disparue. Et c'est la femme de chambre de Madame Carré qui a été retrouvée, assommée, bâillonnée et inconsciente, attachée à l'un des montants du lit de la chambre numéro 118. » Chapitre 4. « Eh bien, pourquoi devrais-je vous ennuyer en vous racontant le suspense angoissant, l'anxiété mortelle que j'ai endurée pendant tous ces jours de fatigue qui ont suivi et qui, à l'époque, m'ont semblé être autant de siècles ?» Milady, la femme pour laquelle j'aurais traversé le feu et l'eau avec un joyeux sourire, avait été brutalement agressée, presque assassinée, comme me l'avait assuré le portier souriant, et mon existence même était ignorée par les fonctionnaires impassibles qui me regardaient avec un froncement de sourcils de désapprobation, tandis que je suppliais, rageais et tempêtais tour à tour, demandant qu'on me permette d'aller soigner la dame malade qui était ma plus chère amie, plus chère qu'aucun enfant ne pourrait l'être à sa mère. Oh, cette terrible bureaucratie qui nous assaille à chaque instant, nous paralyse et nous décourage! Ce que j'ai souffert, je ne saurais le décrire. Mais si je n'ai pas été autorisée à voir Lady Molly, j'ai au moins pu me venger de ses lâches agresseurs. Madame Tardworth, par sa disparition, avait tacitement avoué sa participation à l'outrage, je n'en doutais pas, mais j'étais tout aussi certaine qu'elle était à la fois trop stupide et trop faible pour commettre un tel crime sans aide. Piatti était au cœur de l'affaire. Sans hésiter, j'ai porté plainte contre lui par l'intermédiaire d'un interprète. Je l'accusais hardiment de s'être rendu complice de l'agression à des fins de vol. J'ai répété sans sourciller que je l'avais vu la veille, en conversation étroite avec Madame Carré, dont j'ai déclaré qu'elle s'appelait en réalité Madame Tadworth. Je suggérais que l'objet principal du vol était une montre et une chaîne en or de grande valeur, portant les initiales AC, appartenant à mon amie qui avait voyagé avec Madame Carré à Budapest en tant que sa compagne et non sa femme de chambre. C'était une initiative audacieuse de ma part et je me suis sentie imprudente, je peux vous le dire. Heureusement, mon histoire a été corroborée par le fait que le valet de chambre avait vu Piatti traîner dans le couloir devant le numéro 118 à une heure extraordinairement matinale. J'étais fermement convaincue que ce misérable avait été admis dans la chambre par cette horrible Madame Tadworth. Il avait terrorisé, avait probablement menacé sa vie. Elle avait ensuite accepté, par pure lâcheté, de lui remettre les preuves de sa propre culpabilité dans l'affaire du meurtre de Palerme, et lorsque Lady Molly, entendant les voix, était sortie de sa propre chambre, Piatti l'avait assommée de peur qu'elle n'intervienne. Madame Tadworth, petite idiote faible et stupide, fut alors prise de panique et réussit, sans doute avec son aide, à quitter l'hôtel et probablement Budapest, avant que le crime ne soit découvert. Je ne saurais dire pourquoi Piatti n'avait pas fait de même. Il semblait s'être retourné tranquillement dans sa propre chambre après cela. Et ce n'était qu'une heure plus tard que la femme de chambre, surprise de voir la porte du numéro 118 légèrement entr'ouverte, avait jeté un coup d'œil à l'intérieur et y avait été accueillie par le terrible spectacle de la bonne, bâillonnée, ligotée et inconsciente. J'ai obtenu ce que je voulais et j'ai eu la satisfaction de savoir que Piatti, bien qu'il ait nié catégoriquement mon histoire du début à la fin, avait été placé en état d'arrestation dans l'attente d'une enquête plus approfondie. Le consul britannique a été très aimable avec moi, bien que je n'ai pas été autorisé à voir ma chère Lady qui avait été transportée à l'hôpital. J'ai appris que la police hongroise remuait ciel et terre pour retrouver Madame Carré et la traduire en justice. Sa disparition l'accusait gravement et après 3 jours d'une angoisse aussi intense que je ne souhaite plus jamais vivre, je reçus un message du consulat m'informant que Madame Carré avait été arrêtée à Alsorev, à la frontière austro-hongroise, et qu'elle se rendait, en ce moment même, à Budapest sous escorte. Vous pouvez imaginer combien j'ai frémi d'anxiété et de rage lorsque, le matin suivant cette heureuse nouvelle, on m'a dit que Madame Carré était détenue à la gendarmerie et avait demandé à voir Miss Mary Granard de Londres, qui résidait actuellement à l'hôtel Hungaria. L'impudente malheureuse, voulant me voir en effet. Eh bien, moi aussi, je voulais la voir, cette femme que je méprisais comme une lâche et une traîtresse, qui avait trahi la confiance tendre et stupide d'un père accablé, qui avait anéanti les derniers espoirs d'un innocent en danger de mort, et qui, enfin, avait été la cause d'une agression qui avait presque tué, peut-être, la femme que j'aimais le plus au monde. Je me sentais comme l'incarnation de la haine et du mépris. Je détestais cette femme et je me rendis en fiacre à la gendarmerie, escorté par l'un des commis du consulat, simplement assoiffé par le désir de dire à une ignoble femelle exactement ce que je pensais d'elle. Je dus attendre 2 ou 3 minutes dans la salle nue de la gendarmerie. Puis la porte s'ouvrit, il y eut un froissement de soie, suivi du bruit des pas mesurés des soldats, et l'instant d'après, Lady Molly, sereine et placide, et comme d'habitude exquisement vêtue, se tenait devant moi en souriant. « C'est toi qui m'as mise dans cette situation, Mary, » dit-elle en un sourire joyeux. « Tu dois maintenant m'en sortir. » « Mais je ne comprends pas, » fut tout ce que je pus répondre. « C'est très simple, et je t'expliquerai tout en détail quand nous serons sur le chemin de Maidavale, » dit-elle. « Pour l'instant, toi et Madame Tadworth devrez faire diverses déclarations sous serment, attestant que je n'ai pas agressé ma femme de chambre et que je ne lui ai pas volé une montre et une chaîne. Le consul britannique vous aidera, et ce n'est qu'une question de jours. » En attendant, je peux te dire que la vie en prison à Budapest est assez intéressante et pas aussi inconfortable qu'on pourrait l'imaginer. Bien sûr, dès qu'elle a parlé, j'ai compris ce qui s'était réellement passé et je peux vous assurer que j'ai eu honte d'avoir jamais douté de l'habileté de Lady Molly à mener à bien une affaire aussi importante, aussi vitale que la réhabilitation d'un homme innocent. Madame Tadworth était pusillanime et stupide. À Budapest, elle demanda à s'arrêter, car elle se sentait vraiment déstabilisée et malade après le voyage précipité, le changement d'air et de nourriture et tout le reste. Lady Molly, cependant, n'eut aucune difficulté à la persuader que, pendant le séjour forcé de 24 heures à l'Hungaria, leurs deux rôles devraient être inversés. Lady Molly serait Madame Carré, venue d'Angleterre, tandis que Madame Tadworth serait la femme de chambre. Ma chère Lady, ne pensant pas à l'époque que ma connaissance de ce fait aurait une quelconque importance pour ses propres plans, ne l'avait pas mentionné au cours de la brève entrevue que j'avais eue avec elle. Puis, lorsque Piatt y arriva sur les lieux, Madame Tadworth fut prise d'une véritable panique. Heureusement, elle eut le bon sens, ou la lâcheté, de confier le manteau, la montre et la chaîne à Lady Molly, et lorsque Piatt l'a suivie dans sa chambre, elle a pu lui montrer que les preuves n'étaient pas en sa possession. Telle était la scène à laquelle j'avais assisté par le trou de la serrure. Mais, bien sûr, le Sicilien reviendrait à la charge, et de même, bien sûr, Madame Tadworth sacrifierait les Shuttleworth, père et fils, pour sauver sa peau. Lady Molly le savait. Elle est forte, active et déterminée. Elle s'était brièvement battue avec Madame Tadworth cette nuit-là et avait finalement réussi à l'attacher, à moitié inconsciente, au montant du lit, s'assurant ainsi que, pendant au moins 24 heures, cette petite idiote serait incapable d'agir pour elle-même ou de trahir les plans de ma chère et intrépide Lady. Lorsque, le lendemain matin, Piatti ouvrit la porte du numéro 118, qui, à dessein, n'avait pas été fermée à clé, il fut accueilli par la vue de Madame Tadworth ligotée et à moitié morte de peur, tandis que les précieuses preuves de sa propre culpabilité et de l'innocence du jeune Shuttleworth avaient complètement disparu. N'oubliez pas, en effet, que le visage de Lady Molly n'était connu ni de lui ni de sa bande et qu'elle avait pris le premier train pour Cividale, alors même que Piatti croyait encore tenir cette sotte de Madame Tadworth au creux de sa main. Autant vous dire qu'elle avait atteint la frontière sans encombre et qu'elle avait été assez perspicace pour chercher le colonel Grassi pour, avec les mots d'explication nécessaires, lui remettre les preuves de l'innocence du jeune Shuttleworth. Mon action dans cette affaire l'avait aidé. À l'hôtel, elle était censée être la maîtresse et Madame Tadworth la femme de chambre, et tout le monde racontait que la femme de chambre de Madame Carré avait été agressée et emmenée à l'hôpital. Mais j'avais dénoncé Piatti sur le champ, pensant qu'il avait attaqué ma chère lady, et je l'avais fait mettre sous les verrous si rapidement qu'il n'avait pas eu le temps de communiquer avec ses associés. Grâce aux efforts du colonel Grassi, le jeune Shuttleworth fut acquitté de l'accusation de meurtre. Mais autant vous dire que ni Piatti, ni son fils, ni aucun membre de cette bande ne furent arrêtés pour ce crime. Les preuves de leur culpabilité, le manteau de tweed irlandais, la montre et la chaîne de l'homme assassiné, ont disparu de la façon la plus mystérieuse, après que l'avocat du jeune Shuttleworth eut obtenu pour lui le verdict d'acquittement. Telle est la police sicilienne. M. Shuttleworth, l'aîné, savait manifestement de quoi il parlait. Bien entendu, nous n'avons eu aucune difficulté à obtenir la libération de Lady Molly. Le consul britannique y a veillé. Mais, à Budapest, l'agression de Madame Carré à l'hôtel Hungria est toujours considérée comme un mystère, car elle a totalement disculpé Lady Molly, mais elle a refusé d'accuser Piatti. Elle avait peur de lui, bien sûr, et ils ont donc dû le libérer. Je me demande où il est maintenant, ce vieux malheureux.